Chapitre 17e. Débarrassé de ses remords, Pépin rentrait chez lui, léger, le pas alerte, le sourire aux lèvres. Les blessures d'amour-propre n'intéressent que l'épiderme. Comme les piqûres de moustiques, elles se cicatrisent vite, quand on a besoin de ne pas les gratter, et qu'on possède un baume souverain à étendre sur la plaie. Son désir nouveau, désormais légitime, effaçait toute amertume rétrospective, et jamais homme n'apprit avec moins d'ennui qu'il subissait le sort commun et que son front avait perdu sa virginité. Cependant, à mesure qu'il approchait de sa demeure, son pas se ralentissait et il se sentait envahi par la même crainte qui l'avait poussé à s'isoler toute la journée. Sylvie, elle, n'avait pas été trompée par Achille. Sylvie l'attendait les bras croisés, le front menaçant. Qu'allait-il advenir de lui? Mais le sentiment de sa liberté reconquise l'enhardit et il sentit ses forces décuplées. Il songea qu'il saurait se faire pardonner. Elle ignorait sa mésaventure. Elle croirait qu'il lui sacrifiait Élisabeth, et une femme est toujours flattée d'en supplanter une autre, morte ou vivante. Suivant le conseil de ses amis, il se présenta en déshabillé galant. Il n'eut pas besoin de frapper. La porte était entr'ouverte, et à peine l'avait-il frôlée. Une voix douce, du fond du lit parfumé et discret, murmura « Méchant, comme tu viens tard !» Qu'on se figure un condamné à mort à qui, sur la guillotine, le bourreau dirait admirablement « Monsieur, il y a erreur, vous êtes décoré. » Éperdu de joie, il se précipita et la tint longuement embrassée. « Tu ne m'en veux donc pas, mon amour? Moi, je t'adore. » Une heure plus tard, alors que les corps désenlacés, les âmes s'abandonnent et s'unissent à leur tour, il lui demanda un petit renseignement. « Tu m'aimais donc déjà ce matin, avant ?»« Oui, moins, mais... « beaucoup tout de même. »« Alors pourquoi avoir appelé Achille ?»« Oh, chérie, j'étais honteuse. C'était bien bon, mais aussi bien mal, ce que nous faisions. J'étais lâche. J'essayais de me donner le change à moi-même, mais... » Elle cacha pudiquement son front sur la mâle poitrine de Pépin. « Mais, figure-toi que dans les dernières années, Achille était très fatigué par l'éveil du laboratoire et, au bout d'une minute, il m'a été impossible de m'y tromper. Vrai ? Oh oui, va. » Il n'y avait pas de comparaison, et tu es un amour de mari adoré. » Ces douces paroles méritaient une récompense. Elle lut. N'oublions pas qu'il s'agit d'une nuit nuptiale et permettons à notre héros quelques excès. La vie se charge de remettre au point toutes choses.